je vous ai parlé, ma mère, de la place que je faisais à l'étude et à l'assistance des pauvres dans ma vie de jeune fille, il me reste encore à consigner ici cet autre accordé aux exigences et aux divertissements du monde. Lorsque je nomme les divertissements du monde, je n'entends pas par là les pompes du démon, c'est-à-dire les bals et les spectacles proprement dits, car ni mes cousines ni moi n'avions de goût pour ces sortes d'amusements. Même après son mariage, ma cousine Jeanne n'accepta jamais les nombreuses invitations qui lui furent faites, invitations qui, si elle y avait répondu, l'auraient lancée dans le monde le plus distingué. Si elle avait voulu s'amuser, elle aurait pu alléguer sa position et se créer des obligations, elle ne le fit point et ne s'en repentit jamais. Quand je dis « se créer des obligations », l'expression est juste, car il n'y a pas de réelles obligations pour un être libre, hormis toutefois celles envers son Créateur. Et les personnes qui ont des obligations mondaines se les sont créées elles-mêmes. J'ai vu à la maison la preuve de cette vérité. Oui, on peut très bien s'affranchir de la tutelle du monde, on le peut toujours. Quand on ne le fait pas, c'est qu'on ne le veut pas. Nous nous bornions donc à assister aux nombreux mariages qui avaient lieu dans la famille de ma tante. Nous ne pûmes refuser aussi certains repas de retour de noces chez des amis. Mais ce fut tout, et c'est en ces différentes circonstances que je fus obligé de danser et qu'il m'arriva la fameuse aventure dont Thérèse parle dans son manuscrit. Comme ce divertissement m'était parfaitement antipathique et que je ne m'y prêtais qu'afin de ne pas me rendre ridicule, j'avoue que l'insistance de Thérèse me peina et je lui résistai quelque peu en essayant de la convaincre de ma bonne volonté à refuser tant que je le pouvais. Mais elle ne se contenta pas de cela, elle voulait que je ne danse pas du tout. Pourquoi voulait-elle, cette fois-là d'une façon si formelle, que je m'abstienne? Je n'en compris pas alors la raison et je trouvai ma sœur chérie un peu trop sévère. Elle me parla avec feu, je la vis rarement aussi animée et elle me dit entre autres choses qu'une future épouse de Jésus ne devait pas transiger avec ses principes, que si les trois jeunes Israélites s'étaient laissés jeter dans la fournaise ardente plutôt que de s'incliner devant la statue d'or, je devais supporter le tout petit mal qu'on se moqua de moi, plutôt que de commettre le grand mal de m'incliner devant les usages du monde que l'Église condamne. J'écoutais ma petite Thérèse avec grand respect, mais je la quittai toutefois sans lui promettre de m'abstenir, car sachant la difficulté qui existait à le faire, je ne croyais pas humainement la chose possible et je craignais de lui manquer de parole. Je sais qu'elle pleura longtemps et pria beaucoup. De mon côté, j'étais plus que décidé à faire l'impossible pour la contenter. Ne sachant vraiment comment y réussir, je demandai à Jésus de venir à mon secours. Je n'aimais que lui, je ne cherchais à plaire qu'à lui seul, il était mon unique ami. Je lui dis alors, « Ô mon bien-aimé, vous voyez la nécessité où je suis d'aller à cette réunion, je ne vois pas pourquoi, puisque je suis votre épouse, vous m'y laisseriez aller seul. Il faut donc que vous m'accompagniez et me gardiez de façon que je ne fasse rien qui ne vous soit agréable. Afin que Jésus vienne avec moi, je mis dans ma poche un grand crucifix, aussi grand qu'elle pouvait le contenir, et je partis. La fin de l'histoire vous la savez, ma mère, il vint un moment où, pressé plus que de coutume par les solliciteurs, forcé pour ainsi dire par le groupe des dames vers lequel je m'étais réfugié, je dus enfin m'exécuter. Mais, comme le raconte Thérèse, il nous fut impossible à mon cavalier et à moi de commencer un seul pas de danse. C'était en vain que nous essayions de suivre la musique, si bien que nous dûmes nous promener très religieusement jusqu'à la fin de cette figure de danse. Après quoi mon pauvre cavalier s'évada et ne reparut plus de la soirée. Il me fit vraiment pitié et je priai le bon Dieu pour lui. Il ne savait pas le pauvre malheureux qu'il avait essayé de danser avec Jésus. Pour moi je le savais bien et, regagnant mon groupe, je ris de bon cœur de mon aventure. Les personnes de ma compagnie me regardaient avec ébahissement mais en me voyant en aisance elles osèrent rire aussi, en disant qu'elles n'avaient jamais vu pareille chose. Ici je me fais une petite réflexion. comme je viens de le dire, en regagnant mon groupe je lus sur les visages une sorte d'inquiétude, on se demandait comment m'accueillir. Si donc j'avais eu l'air honteuse et embarrassée, elles auraient qualifié de honteux l'échec qui venait de m'arriver. Au lieu de cela, elle vient la bonne humeur peinte sur mes traits et mon aventure prit aussitôt une teinte originale qui ne manquait pas de piquant. C'est ainsi que, dans la vie, on serait toujours, si l'on voulait, maître des événements, sans jamais devenir leur esclave. Je dis cela par rapport au respect humain. On se dit par exemple, si je vais à l'église on se moquera de moi et tendant le dos on y va en tremblant. Oh, l'on peut être certain qu'en effet, on deviendra le sujet de la risée de ceux dont nous avons craint l'opinion. Mais si on dit, on se moquera de moi, en voilà une histoire, c'est moi qui me moquerai de ceux qui n'ont pas le courage de m'imiter en faisant leur devoir. Si on dit cela, aussitôt on devient un sujet de respect pour les autres. Tant il est vrai que sur la terre autant de choses sont relatives, c'est-à-dire ne sont-elles que par rapport à d'autres, nous sommes véritablement ce que nous voulons être, l'opinion qu'on a de nous est en quelque sorte entre nos mains. C'est nous qui la faisons et, si nous vendons comme aisés notre droit de liberté pour un plat de lentilles qui figurera ici le respect humain, nous devenons les captifs du monde. Mais je reprends mon histoire de la danse. Extérieurement je riais, tandis qu'intérieurement j'étais très ému de l'intervention surnaturelle qui venait d'avoir lieu. L'impuissance qui s'était emparée de nous était inexplicable, je le sentais bien. Oh, comme je remerciais Jésus de m'avoir ainsi manifesté sa présence, et je compris alors que, réellement le bon Dieu n'approuve pas cette sorte de divertissement, puisqu'il refuse aussi catégoriquement d'y prendre part, plus que cela, que les âmes qui s'y adonnent sont livrées à elles-mêmes, puisque Jésus n'a pas voulu même prier pour elles. Oh, quel danger d'être quelque part où le bon Dieu n'est pas pour protéger et bénir. Thérèse était inspirée du ciel quand elle luttait avec mes préjugés, je le reconnaissais. Il est vrai que mes préjugés n'étaient pas grands et jamais je ne pris aucun plaisir aux fêtes mondaines. Si je me suis quelquefois ennuyé dans ma vie, ce fut à ces réunions. Je les appréhendais comme on appréhende une chose désagréable et ce n'est pas étonnant puisque mon unique occupation était de m'y mortifier et que j'avais une grande crainte d'y offenser Dieu. Non, je ne m'y sentais pas en sécurité et quand on a besoin d'être tant sur ses gardes on n'est pas heureux, mieux vaut cheminer dans des sentiers moins fleuris et plus sûrs. Thérèse avait raison d'appuyer sur cette vérité et de me l'inculquer de toute manière, même avec ces vérités, car je sens très bien que si j'avais été élevé dans un autre milieu j'aurais pu me laisser prendre aux appâts du monde, au ciné. Je passe à me glorifier des sentiments que j'exprime. Ô ma mère, que serais-je devenu si, au lieu d'avoir auprès de moi un ange qui fermait avec soin toutes les issues donnant sur la terre, j'avais été livré à moi-même? C'est Jésus seul qui peut répondre. Et moi je puis répondre un peu aussi, car je sais que, lorsqu'un vaisseau prend par une ouverture que personne ne pense à boucher, parce qu'on ignore son existence, ou qu'on l'a jugée insignifiante à son début, l'eau prend de la force et, en se faisant soudain une trouée plus grande, s'engouffre en tourbillonnant et bientôt fait couler à fond le navire. Oui, je sais que toutes les catastrophes commencent par peu de choses, début timide auquel il est toujours facile de remédier quand on s'y prend à temps. C'est ce secours dont Jésus m'a gratifié en plaçant auprès de moi ma Thérèse chérie. Certainement sans la vigilance de mon ange, ma petite nacelle aurait pris haut comme bien d'autres car j'ai à enregistrer plusieurs défaillances qui étaient une petite porte ouverte à la tentation. Ainsi, un jour, je dépensais l'argent de mes étrennes à m'acheter un bracelet. C'était une jolie gourmette en argent ciselé. Je comptais m'en servir journellement, mais aussitôt l'eus-je mis à mon bras que je fus saisi d'un immense dégoût pour cet objet et je le repoussai avec dédain. Il me semblait que, le portant sur moi, j'y étais prisonnière. Et quoi, me disais-je, j'aurais, moi, une chaîne rivée au poignet. Suis-je donc une esclave? Il me semblait qu'avec cela j'avais perdu quelque chose de ma liberté. Et c'était vrai, Cette chaîne m'eût attaché quelque peu au monde si je lui avais permis d'orner ma main. Une autre fois, c'était pendant ma grande épreuve de tentation, je tins en moi-même le langage que j'ai mis sur les lèvres de ceux qui se décourageaient, quittant les rames, laissant aller leur barque à la dérive en disant « Si Dieu veut me sauver, qu'il me sauve ». Je n'eus qu'une fois cette défaillance et, en cette circonstance, je me permis un regard, un seul, dont je me repentis amèrement. Mais Jésus qui veillait sur sa petite épouse permit qu'il ne m'arrivât aucun mal, mon cœur se trouvant tout à coup comme insensible, il me sembla être revêtu d'une armure qui m'empêchait d'être blessé. Je ne saurais dire combien cette grâce me toucha profondément, car la bonté de Jésus s'y dévoila tout entière. Non, il n'abandonne pas l'âme qui subit en soi la guerre et le psalmiste avait raison lorsqu'il chantait, quand le juste tombe, il ne se blesse pas, car la main du Seigneur le soutient. Psaume, par ces deux traits vous voyez, ma mère, combien j'étais faible et combien, par conséquent, j'avais besoin de l'éducation virile que je recevais. Elle m'était d'autant plus nécessaire que le démon, là comme ailleurs, me tendait de nombreux pièges. Comme vous l'avez remarqué dans le cours de ce récit, le démon me tenta par l'attrait des sens, par l'attrait du cœur et par la vaine gloire. Il lui restait à me tenter par la vanité, cette dernière épreuve je puis dire qu'il la chauffa à blanc. C'est bien simplement, ma mère, que je vais vous raconter cela et, s'il se trouve quelques détails à mon éloge, bien vite j'en rapporterai toute la gloire à Jésus. C'est une habitude que j'ai prise et qui me donne une grande paix. Ainsi, lorsqu'on m'adresse un compliment, je me tourne intérieurement vers mon Jésus et je lui dis, c'est pour vous cela, mon bien-aimé, car tout ce qu'on loue en moi me vient de vous, et je suis content de voir que ces bienfaits sont appréciés. Si au contraire moi ou d'autres constatent mes nombreuses imperfections, j'ai comme de la peine pour Jésus, car c'est si dur de s'entendre critiquer ses œuvres, alors je m'empresse de lui dire, ce que je déplore, ô mon Jésus. Ce n'est pas vous qui l'avez mise en moi, car vous m'avez très bien doué, c'est moi qui déforme votre œuvre en me servant de mes passions pour satisfaire ma nature, c'est donc pour moi les reproches. Ne vous y trompez jamais puisque moi je ne m'y trompe pas. Les compliments adressés à votre petite épouse vous reviennent de droit et les reproches sont la part qu'elle mérite. Ainsi, les rôles bien départis, je suis comme soulagée et je n'ai plus de peine de me trouver méchante. Sans cette petite convention, j'aurais cru faire une indélicatesse en gémissant sur mes nombreux défauts parce que je trouve qu'en nous il y a bien plus sujet de remercier que de se plaindre. Avec tout ce que nous avons reçu du bon Dieu, je me demande comment on peut sciemment être orgueilleux. Qu'on le soit un instant, par surprise, c'est encore admissible, mais là se borne la tolérance. Non, ma mère, je ne puis pas avoir de vanité de ce que je vais vous dire, c'est impossible, parce que je suis trop profondément persuadée que tous les dons qui ont été mon partage me sont venus du bon Dieu, sans aucun mérite de ma part. Une comparaison expliquera parfaitement ma pensée. Je suppose un homme millionnaire par héritage. Si quelqu'un va le louer d'avoir acquis tant de richesses, il ne sera point tenté d'orgueil, car il sait très bien que son génie personnel n'a aucune part dans l'amas de son immense fortune. Sûrement, il pensera dans son fort intérieur qu'on se trompe en lui en attribuant le mérite, se disant en lui-même, qu'on loue plutôt ma chance d'avoir eu, dans ma parenté, quelqu'un qui me légua tant de biens. De même qu'il est impossible que cet homme soit orgueilleux en s'attribuant la provenance de ses trésors, de même je trouve, comme je l'ai dit, qu'il est impossible que je sois orgueilleuse en comptant mes richesses. Le sentiment qui jaillira de mon cœur sera plutôt celui de la reconnaissance pour mon bienfaiteur et celui de défiance de moi-même dans la crainte que ces richesses me rendent injuste. Car le démon est là tout près qui essaiera de s'en servir pour me perdre. Ces richesses dont je vais vous parler, ma mère, c'était chez moi une certaine amabilité qui m'attirait tous les cœurs. Aussitôt que je sortais un peu j'en entendais les échos. Ce n'était pas toujours après des réunions mondaines, mais après de simples visites ou dans l'exercice même des bonnes œuvres. Je me souviens en particulier d'une circonstance où un comité de dames ayant été formé à propos d'une fête en l'honneur de Jeanne d'Arc, nous nous réunîmes dans la sacristie de Saint-Pierre. Bientôt on fit cercle autour de moi et plusieurs personnes qui ne me connaissaient pas s'en retournèrent ne tarissant pas d'éloges sur mon compte. C'était de tous côtés que j'entendais des compliments à mon adresse. Cela devint même si fort, qu'une personne, ami de la famille, vint dire à mon oncle d'engager sa fille à marcher sur mes traces afin que tous les suffrages ne soient pas ainsi pour moi. La réflexion fut faite à ma cousine Marie, mais elle n'en tint pas compte, car elle avait un trop grand caractère pour essayer de briller par des efforts. Je restai donc, sans le chercher non plus, reine de ce petit royaume. L'été à la campagne, c'était d'autres occasions qui se présentaient et j'exerçais la même attraction. Mon oncle faisait alors de nombreuses invitations parmi lesquelles se trouvaient souvent des amis du docteur Lanel. Ils avaient tous une prédilection pour moi. Les révélations des mères dont plusieurs vinrent m'adresser leurs complaintes au Carmel, ne m'auraient pas laissé de doute si toutefois j'en avais eu. Elles déploraient mon entrée au cloître et me manifestaient leur déception. Elles me disaient aussi avoir entendu prononcer bien des fois, à leur foyer, le nom de Céline. Enfin, il me fut impossible de recevoir des témoignages plus explicites. Je reçus même ici au Carmel, une longue poésie d'un de ces jeunes gens. Les assiduités autour de moi étaient si manifestes que mon oncle m'appela un jour dans son cabinet et me dit que j'étais trop aimable, que nous n'avions pas été élevés comme cela et qu'il me fallait veiller sur moi. Je reçus la réprimande sans toutefois la comprendre, car je ne cherchais à plaire en aucune façon, j'agissais avec simplicité et liberté absolue dans toutes mes actions comme quelqu'un qui n'a rien à attendre de personne. Enfin, j'étais moi-même expansive et franche, disant nettement ma pensée et il m'était impossible de ressembler à ma cousine Marie qui était naturellement froide. Ah comme j'aspirais à m'envoler au cloître. Je trouvais que cette fuite était le seul remède à ce qu'on me reprochait, ne voyant pas la possibilité de me refaire. Je subis donc l'humiliation de me voir surveillée. Ma cousine Marie devait m'accompagner toujours et me servir de tierce, mais comme j'avais le cœur absolument libre, son contrôle ne me gêna point. Elle était très contente de cet ordre qui lui avait été donné, car elle m'aimait extrêmement et ne pouvait me quitter une seule minute, ce qui portait quelquefois ombrage à ses parents. On aurait voulu qu'elle me témoignât moins d'affection et fût plus empressée auprès de sa sœur. Cet ordre donc, comme je le dis, nous fut très agréable à toutes les deux. Ma mère, par tout ce que je viens d'écrire, vous croirez peut-être qu'il y avait quelque légèreté dans ma conduite. Quant à moi, je puis affirmer que je n'agis jamais en vue de captiver le cœur des créatures. Il est vrai que je répétais après le père de Ravignan, soyons distingués et je m'y exerçais, mais là se borne toute ma mondanité, laquelle je ne me permettais pas pour attirer les regards, mais pour ma propre satisfaction. Comme je vous l'ai dit, jamais ma cousine ni moi ne nous frisions les cheveux et nous aurions regardé comme une grande immortification de faire usage de parfums, tout était au naturel ce qui n'empêcha point un jeune et brillant officier, qui venait passer à la maison une partie de ses vacances, de dire à sa mère que jamais il n'avait vu de jeune fille si bien que nous, et cependant il allait beaucoup dans le monde. Ce qui prouve que la simplicité est tout ce qu'il y a de plus séduisant. De même que mon extérieur était bien réglé, mon intérieur l'était aussi. Il y avait longtemps que la tempête ne se faisait plus entendre et j'étais tout entière à mon bien-aimé. Cependant comme ma faiblesse était toujours présente devant mes yeux et que je manquais totalement de confiance en moi-même, je ne faisais que lui répéter cette prière de l'épouse des Cantiques. Indique-moi où tu fais paître, où tu te reposes à midi, afin que je ne m'égare pas à la suite des troupeaux de tes compagnons, Cantique des Cantiques. Oui, j'avais peur de m'égarer et c'était en toute sincérité que je lui adressais cette supplication. Mais lui ne doutait point de son épousée, sans crainte, Il me donnait toute latitude en disant, « Si tu ne te connais pas, sors, et va sur les traces des troupeaux et paie tes chevreaux près des tabernacles des pasteurs. » Cantique des cantiques. Réfléchissant sur ces paroles je me disais, « Mon bien-aimé m'exhorte seulement à l'humilité et si je suis humble je puis sortir et paître, sans trouble, mes troupeaux à la suite des troupeaux de ses compagnons. Je suis assuré de ne pas m'égarer. » Oh comme voyant cela je m'appliquais à acquérir cette vertu, elle fut toujours ma vertu favorite, mon amie et ma conseillère et c'était sans trêve que je demandais au bon Dieu de me l'accorder. Oui, là où d'autres se perdent sans foi, l'âme humble est en sécurité, elle ne se connaît pas c'est-à-dire elle ignore sa beauté, sentant uniquement sa faiblesse, elle met toute sa confiance en son Dieu. Voilà le secret pour ne pas tomber. Oh ma mère, intérieurement que j'étais heureuse à cette époque de ma vie je ne sais pas si j'étais humble, mais je sais que mon âme était comme un lacet tranquille dont rien ne vient rider la surface azurée. Seuls les cieux se réfléchissaient dans ce miroir et la paix, une paix universelle planait en souveraine sur tout mon intérieur. Sens, puissance, tout était à Jésus, je ne vivais et ne respirais que pour lui. Avec les séductions que je viens de dépeindre et que le démon fit miroiter en pure perte, devant mes yeux, s'en trouvèrent d'autres moins personnels, mais cependant bien tentantes aussi. Le bon Dieu semble-t-il voulait me faire goûter à toutes les coupes de plaisir afin que je puisse les rejeter librement. Il laissait au démon la latitude de mettre son tison dans les feux mondains de la terre et se réservait de l'en arracher à son premier gémissement. À ce gémissement ne se faisait point attendre, le bois vert dont la sève montait avec vigueur vers Jésus, n'était pas apte à l'action du feu infernal, aussitôt y était. Il plongeait qu'il pleurait et crépitait, Jésus attentif à sa prière l'en arrachait pour le jeter dans le brasier de son amour. J'ai dit, qu'étant enfant, j'avais désiré habiter des châteaux. Il me semblait alors que le bonheur résidait sous les ailes élégantes d'une villa princière et dans les allées ombreuses d'un parc enchanteur. Il fallait pour démolir cette illusion que Jésus m'en fit considérer de près la vanité et il le fit. La campagne où nous habitions l'été, et qui avait été léguée à ma tante en héritage se composait d'un ravissant château, la Musse, et d'un parc non moins agréable. Il mesurait plus de 40 hectares entourés de murs et comprenait, outre les pelouses, un endroit très pittoresque surnommé Petite Suisse à cause de ses arbres gigantesques et de son terrain ondulé, puis le bois artistiquement distribué, au centre duquel on voyait un immense vivier agrémenté de nénuphars de diverses couleurs. Ici les hérons se donnaient rendez-vous pour venir pêcher les innombrables poissons rouges tandis que plus loin les tanières de renards annonçaient les repères de l'autre usé, proie enviée de l'habile chasseur. Je ne saurais dire tous les charmes de ce site délicieux élevé à une grande hauteur au-dessus de la vallée. L'habitation comme un nid d'aigle était assise sur des carrières à pic, aussi la vue s'étendait au loin de tous côtés. On apercevait à nos pieds dans la vallée un cours d'eau qui serpentait gracieusement tandis qu'en face de nous, sur l'autre colline, la forêt où retentissait parfois le son du cor annonçant les chasses à cour. Ma mère, j'ai vu de bien belles choses dans ma vie et cependant ce séjour ne m'aurait rien laissé à désirer, si j'avais été là en compagnie de mes sœurs chéries, si ma Thérèse l'avait partagé avec moi. Oui. Il était tel que je l'aurais rêvé, mais avais-je à me plaindre, mon cher petit père m'y accompagnait. Le voyage était difficile, il est vrai, cependant, une fois rendu, nous oublions toutes nos peines, d'ailleurs notre personnel dévoué y mettait de l'entrain, et le cher paralytique avec son lit, la petite voiture et tout son matériel se voyaient bientôt installés dans cette résidence idéale. Je vois encore le bonheur de mon cher petit père lorsqu'assis sur l'esplanade il regardait les mains jointes le magnifique paysage qui se déroulait à ses yeux. À droite et à gauche l'horizon était à perte de vue, ce spectacle grandiose dans son immensité, parlait encore à son âme poétique et tendre. Souvent le soir nous nous promenions à l'entrée du bois, je conduisais avec Marie sa petite voiture et il était content. Une fois que nous nous étions attardés plus que de coutume, le rossignol nous fit entendre ses mélodies. Aucun de nous ne pouvions nous en détacher et nous le suivîmes jusque dans les profondeurs du bois. Assis déjà, sur cette terre d'exil, nos âmes sont suspendues à la voix d'un oiseau. Que sera notre extase lorsque nous entendrons, dans le ciel, les suaves harmonies des anges et qu'il nous sera permis de nous unir à leurs accents. En attendant les concerts éternels, nous jouissions à plein cœur des beautés de la nature et, de nos âmes exhalées, des hymnes de reconnaissance au Créateur aimé, auteur de tant de merveilles, que j'aimais à m'asseoir sur le penchant de la colline et à rêver du ciel. Je serais resté sans effort des journées entières perdues dans la contemplation de ces beautés terrestres qui me faisaient pressentir et toucher en quelque sorte du doigt les beautés célestes. J'aimais de la lointaine église entendre la cloche indécise, pour écouter les soupirs de la brise dans les champs. J'aimais à m'asseoir, le soir, j'aimais les étoiles sans nombre, surtout j'aimais l'éclat en la nuit sombre de la lune au disque d'argent, brillant. J'aimais, ah j'aimais tout ce qui était beau et pur, tout ce qui élevait mon âme dans les cieux. Ce souvenir évoqué de la petite église du village me rappelle une souffrance bien vive que j'éprouvais alors. Je voyais notre demeure riche et spacieuse, ornée de lambris d'or et de tapis soyeux, tournant mes regards au bas de la vallée, j'apercevais dans le lointain le clocher poudreux indiquant la résidence ici-bas de notre Dieu. Oui, il habitait à nos côtés et je l'ai vu, son tabernacle, coin repoussant, noir et sale, pas de tenture chez lui, tandis que les clés de mes meubles à moi étaient dorées, la sienne tout trouillée grinçait dans une misérable serrure que soutenait un bois vermoulu. Ma mère, je n'exagère rien, la désolation régnait dans cette église. Le vieux prêtre qui la desservait était découragé et ne pensait plus à réagir, aussi notre présence lui fit-elle du bien. Nous achetâmes un ciboire convenable, c'était le plus urgent. Quant au reste, nous dûmes le supporter, priant toutefois le bon Dieu d'envoyer là un jeune prêtre dont le zèle raviverait la foi de la population, tandis que sa vigilance entretiendrait convenablement le lieu saint. Mais quelle tristesse pour mon cœur! Ô ma mère, quelle honte d'habiter une somptueuse demeure quand Jésus loge dans une masure! Pour bien comprendre cette douleur, il faut y avoir passé, la mienne était cuisante et de chaque instant. Tous les soirs, en jetant un dernier coup d'œil sur le paysage, mon regard s'arrêtait sur le triste clocher et je demandais pardon à Jésus d'avoir une habitation plus belle que la sienne. Ah, je comprends cette indignation du fidèle Uri lorsque David l'exhortait à prendre du repos à son foyer. L'arche du Seigneur, s'écria-t-il, habite sous la tente et moi j'entrerai dans ma maison. 2 Samuel 10, 12. Il n'y entra pas et coucha à la belle étoile à côté de son maître. Voilà ce que j'aurais voulu faire, moi aussi. Pour répondre autant que possible à ce besoin de mon cœur, je demandai et obtins facilement de monter au dernier étage. Ma cousine Marie m'y suivit, sous prétexte de laisser les beaux appartements aux invités, nous logeâmes dans les mansardes, sous les plombs. Là je pensai à Silvio Pellico, car la chaleur était torride. Mais habiter là fut un réel soulagement pour moi, parce que Jésus ne pouvait rien y envier. Sur ce point j'étais donc contenté. Il me reste maintenant à écrire les réflexions que je faisais sur la vanité des richesses de la terre. Aussitôt que je fus mis en leur possession, je les méprisais. Moi qui avais désiré posséder de splendides habitations, j'aurais dû se sembler trop comble de mes vœux. Là, il est vrai, point de couloir comme à l'antique palais des ducs de Guise, mais des perrons gracieux, des flèches élégantes si bien que la petite préfète d'autrefois n'aurait pas descendu en venant m'y visiter. Oui, j'aurais dû être satisfaite, mais mon cœur était trop grand pour se laisser séduire par des pierres disposées d'une certaine façon. Les bras croisés, dans une des allées du parc, je regardais les bâtiments. Assez cela me disais-je. C'est cela que les humains estiment, parce que cette maison n'est pas carrée, mais plus étroite par ici, plus large par là, plus élancée de ce côté, plus courte de cette autre, parce que telle fenêtre a une forme longue, tel autre un aspect rond, parce que des pierres blanches dépassent à cet angle, que les perrons varient de disposition. C'est pour cela qu'on est fier de son habitation, c'est pour cela est-ce que j'en crois à mes yeux. Mais quelle folie, ô ma mère, oui, quelle folie. Le roi prophète avait raison lorsque, méditant sur la vanité des hommes, il ne craignait pas de les traiter d'insensés. L'insensé et le stupide, disait-il, mettent leur confiance dans leur bien, leur gloire dans leur richesse, ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge et ils donnent leur nom à leur domaine, mais la mort est leur pasteur, au milieu de sa splendeur l'homme ne dure pas, il ne comprend pas, il est semblable aux bêtes qui périssent. Psaume 49, 7 à 15. Emporté par mes réflexions, je voyais le contraste entre cette brillante demeure et la maison de chaume où le pauvre prend ses ébats. Je me reportais à mon enfance lorsqu'on allait visiter ma petite Thérèse chez sa nourrice. On nous recevait dans la seule et unique pièce servant tout à la fois de cuisine, de chambre à coucher et de salon. Pièce dont le sol était tout simplement de la terre battue qu'un coup de balai nettoyait en un instant. Et faisant le rapprochement de cet intérieur rustique avec le luxe d'une autre, je trouvais que la vérité et la liberté, par conséquent le bonheur, habitaient de préférence sous les vieilles poutres brutes que sous les plafonds lambrissés. Et j'aspirais au moment heureux où, quittant ces hochets de mensonges, je serais transporté dans l'humble cellule où j'écris en ce moment ces lignes. À ma mère que j'y ai goûté de bonheur dans cette petite cellule et dans ce Carmel béni. Je me suis pris souvent à considérer sa pauvreté avec orgueil et volupté, je palpais les murs usés et dénudés pour bien me convaincre que c'était vrai que je jouissais de leur charme. Car qui croirait cela de moi qui aime tant le beau? Je n'ai trouvé de réel charme que dans ces objets méprisables, d'autant plus charmants à mes yeux qu'ils me prêchent plus éloquemment le dédain des aises de la vie. C'est ainsi que, dans ces dernières années, mon bonheur augmenta lorsque, pour les soustraire à la spoliation, nos meubles déjà si pauvres furent remplacés par de vieilles caisses d'emballage servant tout à la fois de table, de commode et d'armoire. C'est là que j'ai vu par expérience combien peu de choses suffit à l'homme sur cette terre. Beaucoup sans doute ne seraient pas de mon avis, mais je trouve sincèrement que, moins on en a, plus on est heureux et plus on est libre. En effet, un objet de prix, par exemple, demande des précautions, de l'entretien, que de temps passé à nettoyer, à embellir nos demeures. Et puis, une chose en appelle une autre, c'est la chaîne sans fin. Tandis que lorsqu'on n'a rien ou que des objets de peu de valeur, on les traite selon leur dignité, c'est à dire qu'on ne leur consacre pas de soin et le temps si précieux de notre vie s'écoule à louer le Seigneur et à le servir d'une façon beaucoup plus directe, puisque, selon le conseil de l'auteur de l'Imitation, nous passons au milieu des soins de cette vie sans nous préoccuper d'aucun soin. Ô bienheureux délaissement, ô sage ignorance qui donne au cœur tant de paix et de liberté, pourquoi donc n'êtes-vous pas le partage de toutes les âmes en marge vers l'éternité? Pourquoi dépensons-nous notre travail pour ce qui ne rassasie pas? Isaïe 55 à 2. Pensons que l'Esprit Saint nous fait entendre ce pressant appel, que celui qui a soif vienne, que celui qui le désire prenne de l'eau de la vie gratuitement. Apocalypse 22, 17. Oui, c'est bien gratuitement et plus que gratuitement que le bon Dieu nous offre l'eau de la vie divine, puisqu'il ne nous demande en échange aucune rétribution et que pour cela procurer, il suffit d'être pauvre d'esprit et de cœur en simplifiant le plus possible notre vie humaine. En écrivant ces lignes, une nouvelle réflexion se présente à mon esprit, toujours à propos des vanités de ce monde. Ce sujet, il me semble, serait inépuisable si on voulait l'étudier à fond. Sur la terre, le mérite n'est pas attribué aux personnes, on ne les juge pas d'après leur qualité morale, mais on les traite d'après les choses dont elles s'entourent. Oui, ce sont ces choses qui, le croirait-on, leur donnent de la valeur. Ainsi lorsque nous habitions, l'été, la campagne que je viens de dépeindre, Il y avait autour de nous tout un rayonnement d'honneur, on nous saluait, on nous entourait avec empressement, en un mot nous étions les seigneurs du lieu, traités comme tels par les gens du pays. Les châtelains même des environs désiraient faire notre connaissance et les jeunes comtesses de F firent maintes instances auprès de monsieur le curé afin qu'il nous engageât à leur faire visite. Comme nous voulions garder notre indépendance et vivre en famille, nous ne nous rendîmes pas tout d'abord, mais un matin au sortir de la messe, M.M.E. de Fayet nous ayant invités à prendre le petit déjeuner au château, il nous fut impossible sous peine d'être impolis, de ne pas répondre à cette avance et nous leur fîmes une visite qui nous fut immédiatement rendue. Mais, à cet échange de politesse renouvelé plusieurs fois, se bornèrent nos relations d'alors. Plus tard, au Carmel, ces demoiselles devinrent mes amies intimes, car nous nous tenions extrêmement sur la réserve, ne voulant pas nous lancer dans un milieu où, comme je l'ai dit, nous aurions engagé tant soit peu notre indépendance. D'ailleurs, nous n'avions pas besoin de nous créer de liaisons, nous nous suffisions amplement pour nous rendre heureux. Mais j'arrive au contraste. Honoré à cette campagne de la Muse, il en était tout autrement lorsque nous allions passer quelques heures à la petite maisonnette de Saint-Lancin dans le Pin, près de Lisieux, et je me souviens qu'y étant allé un jour de distribution des prix, nous étions perdus dans la foule des villageois, sans que personne nous offrît un siège, tandis que les châtelains du pays siégeaient sur l'estrade, nous regardant du haut de leur grandeur. Pourquoi cette différence? Pourquoi, moi, je suis la même ici ou là, j'ai la même valeur en ce pays que dans cet autre. Ce n'est pas à moi qu'il faut attribuer ce changement d'égard, non ce n'est pas à moi, mais à qui donc? À qui? À la maison que j'habite. Ô abîme profond de vanité, ô monde trompé et trompeur, je ne veux plus t'entendre, je veux briser tout commerce avec toi. Car mon âme est trop grande et la noblesse de ses sentiments trop élevée pour séjourner dans tes murs où l'on se dit des mensonges les uns aux autres, où l'on parle avec des lèvres flatteuses et un cœur double. Psaume 12, 3. Instruite par ma propre expérience, je n'ai donc pas trouvé le bonheur au sein de l'opulence, je ne l'ai rencontré que dans mon cœur, lorsqu'il était uni au bon Dieu et ce bonheur était d'autant plus grand que l'union était plus parfaite. Non, le bonheur n'est pas dans les objets qui nous entourent, le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Luc 17, 21, et j'ai expérimenté cette vérité car, pour moi, je ne me suis jamais ennuyé qu'au sein même de la distraction. Nos journées étaient cependant bien remplies, promenades, excursions, vie de famille se partageait notre temps pendant les vacances. Les jours de pluie nous faisions des parties de billard, où nous nous cassions la tête au jeu d'échecs. Souvent encore nous nous exercions à tirer à la cible, distraction favorite de ces messieurs. C'était au plus adroit, mais il me faut avouer que je ne l'étais guère, quand on me mettait un fusil le bel entre les mains. Avec ce long engin de guerre je n'aurais pas été utile à ma patrie, à moins toutefois que l'habitude ne m'eût donné des forces. Voilà à quoi s'écoulait notre temps et pendant que je flânais ainsi en m'ennuyant, les serviteurs allaient et venaient s'occupant gaiement à des travaux utiles, le jardinier visitait les appartements et les perrons, renouvelant avec orgueil les fleurs de ses corbeilles tandis qu'en haut une jeune ouvrière repassait en chantant les robes et les dentelles que je chalissais en pleurant. Je dis en pleurant, car si mes yeux ne versaient pas de larmes mon cœur souffrait de cet état de choses. Chose humaine, cruelle, injuste qui en appellerait au tribunal de Dieu si elles étaient éternelles. Oui, lorsqu'on se prend à considérer la vie, telle que nous la vivions ici-bas, on sent le besoin d'un jugement final dont la nécessité s'impose pour remettre tout à sa place et juger chacun, non pas d'après ses maisons et ses richesses mais d'après les œuvres de son cœur. Je dis encore en pleurant, car ces divertissements laissaient un grand vide dans mon cœur, mais j'en ai me semblait fadé j'aspirais après une vie plus intéressante, plus débordante. Cette vie rêvée, je l'ai trouvée au Carmel et je dois avouer que là mes rêves ont été dépassés. En entrant dans cette solitude bénie, J'ai laissé bien loin de moi les terrains mouvants et j'ai mis pour jamais le pied sur une terre solide d'où les vertiges de l'âme ne sont plus connus. Là mon cœur a trouvé le repos, mon activité son aliment. Là mes aspirations inassouvies ont été pleinement rassasiées, mes inconstances à tout jamais fixées. Là à la place de mes pauvretés et langueurs morales j'ai vu la paix habiter dans mes remparts et l'abondance dans mes tours. Psaume. Le monde ignore vraiment où se trouve le réel bonheur, il le cherche dans les distractions, dans les conversations, dans le bruit. Il ne s'aperçoit pas qu'en se répandant au dehors l'âme s'appauvrit, car pour donner sans s'appauvrir il faut puiser à la source vive qui est Jésus et l'âme qui, se livrant au monde, prend sa source dans la vanité ne peut la prendre en même temps dans la vérité. Le bon Dieu a cependant arrangé les choses de telle façon qu'on est à soi-même sa meilleure compagnie. Il est rare de s'ennuyer quand on s'occupe à un travail utile et les heures employées ainsi passent bien plus rapidement que celles où l'âme est en quête de distraction. Je crois que c'est parce qu'on emploie notre temps de la sorte que la vie s'écoule si vite au Carmel. Il en est de cela comme de tout le reste. Pour ne parler que de ce que j'ai expérimenté, non seulement la solitude et le silence sont pour moi le passe-temps le plus agréable, mais les austérités de ma vie actuelle, austérités voulues et aimées, sont plus douces, même physiquement, que les simples incommodités supportées autrefois dans le monde avec mille précautions pour m'y soustraire. Ainsi, je n'ai jamais plus chaud qu'en voulant combattre la chaleur par des vêtements légers, et je ne me suis jamais trouvé plus au frais qu'en supportant patiemment mes 30 livres de bureau plus fort de l'été. Tant il est vrai que notre paix, notre bonheur, notre bien-être sont beaucoup plus en nous que dans les objets qui nous entourent. Si ceux qui en doutent vous laissaient convaincre de cette vérité que ce n'est point le confort de la vie, sic, ni la fortune qui font le bonheur, ils n'auraient qu'à consulter le cœur des enfants, à étudier leur goût et leur manière d'être, car ils sont pour nous un livre de sagesse dont les pages n'ayant pas encore été souillées, il est facile d'en voir l'empreinte de Dieu. Or le cœur des petits n'est ni envieux ni orgueilleux, il ne fait point de différence entre un diamant et un caillou, entre la soie et l'aillon. Lorsque j'étais à la Musse, il nous arrivait quelquefois, à ma cousine Marie et à moi, de rencontrer aux abords de leur maisonnette les nombreux enfants du concierge. Du plus loin qu'il nous apercevait descendant l'avenue, il se précipitait dans les buissons comme une volée d'oiseaux. Voilà toute la réception qu'il nous faisait. C'était nous dire clairement qu'il n'avait point besoin de nos bonnes grâces et que nous pouvions nous en retourner chez nous. Ils étaient heureux sans nos dons et notre présence ne leur apportait que du trouble et de l'ennui. « Oh cher petit, me disais-je, vous avez raison de savoir vous passer de vous. » Et si je n'avais au fond du cœur cet amour intense de mon Dieu qui me fait vivre et qui est ma seule richesse, vous seriez dans votre indigence, bien plus heureuse et plus libre que moi. Tels sont, ma mère, mes sentiments intimes à l'égard des biens de ce monde. Si je pouvais les communiquer aux pauvres, c'est pour toujours que l'envie disparaîtrait de leur cœur. Et s'ils faisaient l'honneur aux mondains de leur accorder l'une de leurs pensées, cette pensée, loin d'être un désir de convoitise, serait une profonde pitié en les voyant mettre leur joie à faire tourbillonner des flots de poussière sous les roues de leurs chars, et l'ambition de leur cœur à monter leur château jusqu'aux cimes, car la parole du Seigneur s'accomplira. « Quand tu élèverais ton air comme l'aigle, dit-il, quand tu te placerais parmi les étoiles, je t'en ferai descendre. » Abdia 1,4. Et pour s'éviter la peine de descendre, ils ne désiraient point monter sur la terre, et leur cœur n'appréciant que la gloire du ciel, qui est sans envie et sans orgueil ne voudrait goûter que les joies éternelles dont la satiété est sans dégoût et la durée sans fin. Mais je laisse ici mes réflexions déjà trop longues et je reprends ma vie de famille. Le séjour à la campagne dans les dernières années que je passais dans le monde fut vraiment pour moi presque sans nuage autant qu'il est possible sur cette terre d'exil puisque j'avais auprès de moi mon père bien-aimé. À cause de son état d'infirmité nous n'avions pu pour la nuit, l'installer au château, la disposition des pièces et des perrons en avait empêché et il coucha dans une grande salle attenant à la maison du garde, laquelle se trouvait au rez-de-chaussée, de plein pied avec le parc, à quelques mètres seulement de notre habitation, son domestique logeant dans une pièce contiguë. En le voyant dans cette demeure rustique, au mur simplement blanchi comme une cellule d'ermite, je pensais à son désir exprimé autrefois de finir ses jours en semblable lieu. Ce fut là en effet qu'il devait mourir. Comme mon cher petit père avait besoin d'être gardé nuit et jour, j'avais établi comme loi, par rapport aux exercices religieux, que le domestique qui manquerait, à cause de lui, la messe le dimanche irait l'entendre le lundi. Alors chaque lundi je voyais soit le domestique, soit la bonne, se revêtir de ses habits les plus pimpants et nous accompagner à la messe matinale. Un jour ils me dirent avec enthousiasme, « Oh, mademoiselle, que cette méthode est sage, malheureusement on n'y pense pas, et dans les campagnes, retenu par des occupations pressantes on se déshabitue de ce grand devoir, aussi quand plus tard nous y serons, nous ne manquerons pas de nous en souvenir pour la mettre en pratique. » Ces braves gens étaient réellement dans l'admiration d'une pensée aussi simple et à cause d'elle ils me regardaient comme un génie. C'était pourtant plus que naturel et de seul bon sens. Mais cela leur donnait une autre idée du précepte dominical de se voir ainsi conduit avec nous en voiture sans avoir eux-mêmes aucun service à remplir. Marc M. Dan d'après, Archive Carmel Lisieux.fr. Licence Creative Commons. Pas d'usage commercial.